Bwana Mungu wetu amibariki kwa hoteli. Que le Seigneur bénisse aussi l'église pour des cantiques de Sion. Bwana apate tena kubariki kanisa juu ya nyimbo ya Sioni. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Eti muku mfura mangaribi ya leo. Vous êtes disposé à écouter la parole du Seigneur? Eti muku tayari juu ya kushikia neno ya Bwana. Le Seigneur vous bénisse richement. Bwana mibariki kwa hoteli. Nous ne pouvons pas quitter très très très loin là-bas. Atuwezi kutoka kule kwetu kwa mbari. Pour venir faire le tourisme dans les Katanga. Juu ya kuya tukutembea huko Katanga. Non. Hapana. Il faut qu'elle ait un message bien précis. Inafai kupoe ujumbe mwa ya nyeko ya kweneana. Et que ceux qui l'écoutent. Na bale batisikia. Soit prêt. Bapate kwa tayari. Oui, bien aimé frères et sœurs. Dieu bapendwa ndugu na dada. Ici nous sommes dans l'atelier de Jésus-Christ. Umutuku muchapo ya Yesu Kristo. Est-ce que vous croyez que ici c'est l'atelier de Jésus-Christ? Oui, frère. Abandonnons-nous à lui. Pour que lui, Jésus, fasse de nous ce qu'il veut faire de nous. Nous abandonnons simplement. Et lui, le grand architecte. Il va maintenant nous former. Ataweza kututunga. Il va maintenant nous tailler. Ataweza kutunyoa. Cela veut dire bien, mes frères et sœurs. Nibia kweri banduku na wapendwa. Le temps de la préparation. Wakati ya matayarisho. Tous. Sheboti. Nous sommes en préparation. Tuko matayarisho. Tous nous sommes en préparation. Sheboti tuko matayarisho. Les gens de ce monde et l'église, tous nous sommes en préparation. Seulement que l'église nous préparons pour la gloire. Mais le monde ne se prépare pas pour la gloire. Les dénominations ne se préparent pas pour la gloire. Elle se prépare pour leur propre destruction. C'est ça la différence, bien mes frères et sœurs. Mais tous, hein, nous sommes en préparation. Oui, église de Dieu vivant. L'église nous sommes préparés kanisa à devenir semblable à lui. La parole que nous écoutons, neno itunasikia, nous plongeons les regards dans la miroir de la parole. Tunatumbukiza macho yetu mukio ya neno. Chaque fois que nous venons ici, ila wakati tunakuwa hapa, nous plongeons les regards dans la miroir de la parole. Église de Dieu vivant. Et mystérieusement. Nous devenons cette même parole. Oui, bien mes frères et sœurs. Corinthiens chapitre 3. Verset 18e. Nous tous dans les visages découverts reflètent la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image. De gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous tous les visages découverts. Quand Moïse apportait son message, le voile était jeté. À cause de la gloire de son visage. Mais c'est en Jésus-Christ que le voile de Moïse voile ya Moussa, qui s'était transformé en incrédulité pour les enfants d'Israël. Quand les cœurs se convertit à Jésus, le voile de l'incrédulité de Moïse est jeté. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, sasa, nous contemplons la gloire du Seigneur face en face. Macho kwa macho. La parole que nous écoutons, neno itu kunasikia, ce n'est pas un homme que nous écoutons, aina mutu tu kunasikia, mais c'est Dieu lui-même. Lakini ni Mungu ye mwenyewe. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu ye mwenyewe. Il est la parole. Eko neno. Au commencement était la parole. Katika mwanzo ilikuwa ni neno. La parole était avec Dieu. Neno ilikuwa pamoja na Mungu. Et la parole était Dieu. Na neno ilikuwa ni Mungu. Et comme nous écoutons sa parole, na vile tunashikia neno yake, nous l'écoutons. Tukunamshikia ni yeye. Nous plongeons les regards. Tukunatumbukiza macho yetu. Dans la miroir de la parole. Mule mkiwe ya neno. Et nous devenons, na tunakuya, nous sommes transformés, tunabadilishwa, à la même image, ile picha moja moja, que la parole, yenye kuwa neno, c'est-à-dire semblable à lui, ni kusema kufananishwa naye, et lui dit est saint, na Mungu yeye mtakatifu. Il veut que toi aussi tu sois saint. Anapenda na upate kuwa mtakatifu. Il veut aussi que moi je sois saint. Anapenda na mimi kuwa mtakatifu. Que nous soyons semblables à lui. Upate kuwa bidi kufananishwa naye. Oui, bien aimé frère et sœur. Dieu wapendwa ndugu na dada. La sainteté butakatifu pour une sœur juu ya dada commence ikunanza par la manière dont tu gères ton corps. Munamna leo kunatumia mwili wako. Oui, bien aimé frère et sœur. Dieu wapendwa ndugu na dada. La sainteté pour une sœur, une fille de Dieu. Butakatifu njuu ya binti wa Mungu. Commence de la manière dont tu gères ton corps. Ikunanza munamna leo kunatumia mwili yako. Comment tu habites ton corps? Vile unavika mwili yako? Comment tu traites ton corps? Je, unatendea mwili yako? Timothée. Timothée wa kwanza. Timothée chapitre 2. Timothée wa kwanza sura ya pili. Verset 8e. Mstari ya 8. Écoutez ce que la Bible nous dit. Mushike vile Biblia inasema. Il dit, anasema, je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Nous les hommes. Que nous prions en tout lieu. En élevant des mains pires. Sans tâche. Bila taka, ni mauvaise pensée. Ça c'est nous. Sans avoir honte. Même dans les marchés, partout, si tu viens adorer ton Dieu, tu l'adores, tu élèves tes mains, des mains pires, pas des mains qui ont tué, pas des mains qui ont volé, pas des mains qui ont escroqué, en élevant des mains pires, en tout lieu. Et Dieu se limite là-bas. Quand il a parlé aux hommes, il s'est limité là-bas. Écoutez quand il vient ici. Sasa mufie wakati anakuwa kubana badada. Je répète la lecture pour que l'église saisisse ça bien. Mina rudiria mwandiko juu kanisa bado. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Taka basi banamwe bapate kuomba mama. En élevant des mains pires. Mkuinua mikono ya safi. Sans colère. Bila kasirani. Ni mauvaise pensée. Au mawazo mubaya. Je veux aussi. Mina penda tena. Que les femmes. Banawake banamke. Vêtues d'une manière décente. Benye kuvala mnamna heshima. Quand Dieu veut parler aux femmes. Wakati Mungu anapenda kusema na wanawake. Il commence par leur habillement. Anaanza na mvalio yao. C'est ce que je souhaite te dire. Que la sainteté pour les filles de Dieu commence par la manière dont tu gères ton corps. Dieu commence ici par l'habillement. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, correcte, avec pudeur. Oui, bien, mes frères et sœurs. Écoutez. Mshikie. Avec pudeur et modestie. Na haya na unyenyekevu. Ne se pas ni de tresse. Washijipambe na mabiku shuka. Ni dor. Au mazabu. Ni de paix. Au malulu. Ni dabi somtue. Au manguo ya nyikwa ya bei kabisa. Est-ce que vous êtes là? Eti mko pale. Qu'est-ce que les dénominations disent? Mazebu kuna sema nini? Non Dieu. Bana Mungu. Ne regarde pas la biema. Ashangara kikumvario. Dieu regarde le cœur. Mungu unangara muro. Pour les hommes, kubana ume, ah, ça va, ok. Kules, ndio. Mais pas pour les femmes. Apana kubana muki. Pour les femmes, kubana muke, une fille de Dieu, binti wa Mungu. Dieu veut que Mungu anataka, une fille de Dieu, binti wa Mungu. S'habille comme il faut. Uvale mzuri. Tu dois t'habiller comme une chrétienne. Unapasha kuvala samu Christ. De manière correcte. Munamna ya kueneana. Avec pudeur. Na haya. Avec modestie. Na unyenyekevu. C'est la vérité. Nibia kweli. Ne t'habille pas comme des païens. Pana kuvala saba pagana. Ne t'habille pas comme des stars. Pana kuvala saba tu bakufanya michezo. Des vedettes de cinéma. Saba le vedette ya cinéma. Des vedettes de théâtre. Saba le bakufanya michezo. Ne les imite pas. Apana kubafatirisha. Imite des femmes, des saintes femmes. Afatirisha banamke batakatifu. Qui ont fait profession de servir Dieu. Pale waweza kutu mikia Mungu. Oui. Dio. Ne faut pas imiter des vedettes de cinéma. Apana kufuatilisha bale vedette ma cinéma. Ne faut pas suivre le monde. Apana kufuata dunia. Non. Apana. Prenez l'exemple de la Bible. Ubebe mfano ya Biblia. De sainte femme. Ya banamke batakatifu. De femme de fait. Banamke ba des femmes de prière. Banamke ba utawa. Des femmes qui ont servi Jésus. Banamke ba tumikia Yesu. Oui. Dio. Nous sommes heureux. Tukubaheri. Et contents. Na bafura. Quand nous voyons nos sœurs. Wakati tunaona badada yetu. S'habille comme il faut. Anavala mnamna mzuri. Comme des chrétiens là. Sa banamke ba Kristo. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana mibariki kwa utele. C'est la vérité frère. Ibya kweli nduku. Comment une personne. Je muntu. Une femme. Mwanamke. Elle se dit chrétienne. Anasema ni mkristo. Elle ne sait même pas bien son corps. Dio kubarika mwili yake mzuri. Et veut que Dieu puisse lui habiller du Saint-Esprit. Na pa na Mungu ampatie Roho Mtakatifu. Tu ne peux pas connaître l'algèbre, non, l'alphabet. Awezi kujua le ABC. Ma A na ma B na C. Tu ne connais pas ça. Aujue ile. Tu vas connaître l'algèbre. Et ndio utajua algèbre. Connais d'abord l'ABC. Anzia mbe kujua ABC. Est-ce que vous êtes là? Et mou kupale. Connais d'abord l'ABC. Jua kia kwanza ABC. Parce que s'habiller c'est simple. Juku vala ni bien s'habiller c'est simple. Kuvala mzuri iku kepesi. Oui, bien, mes frères et sœurs. Écoutez. Mushiki. Il dit. Anasema. Mais. Lakini. Que ce n'est pas de bonnes œuvres. Wapate kujipamba na matendo mzuri. Comme elle convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Bien, nastahili banamuke bale be unatumikia Mungu. Toute femme. Mwanamke wote. Une chrétienne. Mkristo mwanamke. Tu es une servante de Jésus. Ni kichakazi wa Yesu. Tu ne sers pas le diable. Tu sers Jésus. Tu es une fille de Jésus. Tu es une servante de Dieu. Tu dois t'habiller comme une servante de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Elles sont des servantes de Dieu. Elles sont des servantes de Dieu. Jésus Christ. Fais apostel nous Apocalypse. Chapitre 1, verset 6e. Je vais démontrer qu'elles sont des servantes de Dieu. Et tout le monde va comprendre. Vous devez vous habiller comme des servantes de Dieu. Des femmes qui font profession de servir Christ. Il faut être rapide pour me permettre de lui. Écoutez. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs? Pour Dieu son père. Nasi ufalme wa bakoani kujua Mungu baba yake. Commence par le verset 5e pour que les gens voient. Njuba ntubashike mzuri. Écoutez. Mushiki. Voici il vient avec les nuées. Tazama kuna kwa na wingu. Et tout il le verra. Na richo yote tamuona. Même ceux qui l'ont percé. Hata bale bali muua. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Na makabila yote ya dunia itaununguka juu yake. Amina. 6e. Là vous êtes où? 7. Je vais parler de cinquième frère. Moustara ok. Et de la part de Jésus Christ, Christ, le témoin fidèle, wa minifu, et le premier né de mort, na mzayo wa kwanza wa bafu, le prince des rois de la terre, ufalme wa bafalme wa dunia, à celui qui nous aime, wake yane tupenda, Jésus nous aime. Yesu na tupenda. et qui nous a délivré de nos péchés par son sang. C'est Jésus qui parle ici. Mon frère, Andisha, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, de frères sacrificateurs, de sœurs sacrificatrices. Tu es une sacrificatrice de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu ne sers pas Satan. Tu sers Jésus-Christ. On a tout mis à Jésus-Christ. Il faut marcher comme une sacrificatrice. On a tes mères, quoi, mon amour. Oui, frère. Diondoku. Amen. Amen. Et comme sacrificatrice, na saba kwani banamuke, tout sacrificateur, mkoani wote, offre des sacrifices. Et on a tout ma sadaka. Et comme des sacrificatrices, na saba kwani banamuke, et des sacrificateurs, na bakwani banaume, nous offrons quoi? Tout na toa nini? Des sacrifices. Ma sadaka. À Dieu notre Père. Kwa Mungu baba yetu. Romains chapitre 12. Wa Roma sura ya 12. Premier verset. Écoutez ce que Paul dit. Et tout le monde veut comprendre que même des sœurs sont des sacrificatrices. Premier verset. Écoutez l'exhortation de Paul. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Comme un sacrifice. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Quand il sait, vit la vie de la sainteté, elle est une sacrificatrice de Jésus Christ. Nos corps ici, Milietui, nous devons l'offrir à Dieu. Wa Mungu, ton corps là ne t'appartient plus. Aina yako tena. Ton corps là mwili yako est le temple du Saint-Esprit. Ni yekalu ya Roho Mtakatifu. Tu dois offrir ton corps. Kutoa mwili je yako. Dois offrir mon corps kutoa mwili à yako. Jésus wa Yesu. Comme un sacrifice. Sawa sadaka. Quel sacrifice? Sadaka kani? Un sacrifice vivant. Sadaka yenye kuwa na uzima. Un sacrifice saint. Sadaka yenye kuwa takatifu. Agréable à Dieu. Ya kumpendeza Mungu. Oui, frère. Dio nduku. Oui, ma sœur. Dio dada yangu. La tu es une sacrificatrice Woko de Dieu. Mkoani mwanamke wa Mungu. Et le deuxième sacrifice. Na kuwani sadaka ya pili. Que nous offrons. Il est tout natoa. Et bien, chapitre 13, je crois. Le verset 12e nous dit 12e ou 15e. C'est Hébreux chapitre 13, verset 15e. Voyez un peu dans le 15e. Ok, amen. 15e. Regardez le deuxième sacrifice. Mwangare sadaka ya pili. Que nous offrons à Dieu. Il est tunatoa kwa Mungu. Qui est le directeur des chants? Le directeur des chansons. Mwongozi wa nyimbo. Le directeur des chants. Le deuxième sacrifice sadaka ya pili, que nous offrons à Dieu kwa Mungu, comme des sacrificateurs. Je reviens maintenant à vous. Mina kuyasa kwenu. Et je lis la Bible. Nani unasoma Biblia? Par lui, kupitia yeye, donc Jésus-Christ, kupitia yeye Yesu Kristo, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Tutoe bila kuacha kwa Mungu sadaka ya sifa. Quand nous chantons ici, wakati tunaimba hapa, les sœurs ne chantent pas. Badada baimbake. Quand nous chantons ici, vous ne chantez pas. Wakati tunaimba Mungu badada muimbake. Si vous chantez, kama mko naimba, parce que vous êtes des sacrificateurs. Jo mko kwa kwani bana mko. Est-ce que vous êtes là? Eti mko pale. C'est comme ça, elles sont des sacrificatrices. Jo vile beko kwa kwani bana mko. Par lui, Jésus, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de loi, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Cela veut dire, frère, ici ce n'est pas une morgue, c'est l'église de Dieu vivant. Nous sommes dans la maternité de Jésus. Frère, s'il faut nous amener dans les louanges, même des vestes doivent être enlevées et jetées par terre parce que nous sommes des sacrificateurs. C'est la vérité. Il faut chanter comme des fous. Par des simples chansons, l'onction de Dieu descend, même des malades sont guéris. L'ami de Jéricho était tombé parce que le peuple a crié à Dieu. Est-ce que vous êtes là? C'est la vérité, frère. Nous devons chanter comme des fous. Nous ne chantons pas un homme. Nous chantons à Jésus-Christ comme des sacrificatrices. C'est comme ça que les sœurs aussi sont des sacrificatrices. Il y a des sœurs qui vivent la vie de Dieu. Une vie sainte là. Parce qu'elle est une sacrificatrice. Elle a pris son corps. Elle a offert ça à Jésus. Est-ce que vous êtes là? Frère, je demande pas aux sœurs. Frère, je vous demande. Est-ce que vous croyez qu'il y a des sœurs qui vivent la parole? C'est la vérité. Parce qu'elles sont des sacrificatrices. De Jésus-Christ. Na Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Oui, bien aimé frères et sœurs. C'est comme des sacrificatrices. De Jésus-Christ. Ba Yesu Christu. Comme des sacrificatrices. De Jésus-Christ. Ba Yesu Christu. Prenons nos corps ici. Ton corps là. Beba mwili yako. Donne ça à Jésus. Oui, mpatie Yesu. Une fille de Dieu doit savoir. Frère, ça, ce sont des ABC. Bitu wa Mungu anapasha kuyua. Hii ni mabitu vya chini. Ce sont pas des choses qu'on doit dire aux chrétiens. Ana bitu wanapasha kuambia ba Kristo. Ce n'est pas que tout le monde qui sait s'habiller. Eh? Ana batu wote wanajua kuvala. Eh, fille de Dieu. Bitu wa Mungu. Il y a d'autres personnes qui s'habillent comme il faut. Kubantu wanaimba bena vala bena penda. Mais effort de théâtre. Lakini bena faya michezo. Mes frères, lakini bandu kuyangu, parmi tous ceux qui s'habillent comme il faut, katikati ya wale bote wanavala mzuri, il y a des filles de Dieu. Kukuba binti ya Mungu. Mais tous ceux qui, toutes qui ne savent pas s'habiller, wale bote abajua kuvala mzuri, elles sont pas filles de Dieu. Abana ba binti ya Mungu. Toutes qui ne savent pas s'habiller là, wale bote wanamke abajua kuvala, elles sont pas filles de Dieu. Abana ba binti ya Mungu. Les filles de Dieu, ma binti ya Mungu, ça bicore tema. Beko na vala mnamu na mzuri. Oui, bien mes frères et sœurs. Dieu va pendo ndugu na dada. C'est la vérité. Ni bia kwe. Mes sœurs, ba dada yangu, par l'amour de Dieu, kupitia mapendo ya Mungu, ayez une apparence. Muwe na hali ya konokana. Fais un effort. Fanya nguvu. D'avoir une apparence. Pate kwa na hali ya nje ya konokana. Qui convient. Ile na mpendi na pendo. À la sainteté. Ile na stahili utakatifu. Comme des saintes femmes d'autrefois. Ça, bah, nous lisons une écriture. Un Jean. Un Jean chapitre 3. Non, un Pierre, pardon. Premier verset. La Bible nous dit quoi là-bas? Écoutez mes sœurs. Écoutez cette écriture. Femme. Que chacun soit de même soumise à son mari. Même si toi tu es géante là. Mais le frère, c'est un bout homme là. La Bible te dit. Femme. Femme mariée. Ah, attention. C'est pas mon amour. Mais femme mariée. Bibi wando. Ah. Femme, bibi, soyez soumise à vos maris. Uwe mutiifu kwa mume, banaume ba bwana yenu. Mais pourtant tu es géante là. Hata kuwe murefu munene. Massif là. Ule wa munene. Et le frère, nanduku. C'est un bout homme là. Ni mtu mfupi kabisa. Est-ce que ma sœur là elle dort? Eti dada dada. Ah, elle lit. Vous lisez. Femme, bibi, soyez soumise à votre mari. Mwe benye kutiba bwana yenu. Il faut toujours. Inafaa kila wakati. Te soumettre à lui. Kumutie. En toutes choses. Bitu byote. Selon la parole. Fatana na neno. Seulement pas au péché. Apana. Au péché. Apana pa kuzami. Ah. Écoutez. Mushikie. En fait que si quelques-uns n'obéissent point à la parole. Même s'il est sous là, il n'est pas croyant. Toi, tu as crié. Oh, Namine. Mais lui est resté. Lakini yana bakia. Tu dois voir unapasha, un comportement digne. Unapasha kuwa na mwenendo yenye kustahili. Digne fille de Dieu. Mwa bintu wa Mungu. Devant ton mari. Mbele ya mume wako. Qu'il soit gagné sa parole par la conduite de la femme. Envoyez votre manière de vivre chaste. Et respectueuse. Tu sais, quand une femme, wakati mwanamke, elle est une femme là dans le mariage. Eko mwanamke wa ndoa, même son mari va le respecter. Ata mume wake ata mheshimi. Moi je reconnais un frère. Mina ujua nduku moya. Un païen catholique mpagano wa kikatolika, qui vivait comme elle vivait, comme un païen, mpagano, il avait des concubines passées par là. Alikuwa na babala fazi yoyote. Il est parti dans un bar. Arenda mubar moya, boire avec une autre femme. Kunywa na mke mwingine. Et c'était dans le quartier. Il était mon voisin comme ça. Alikuwa ni mkartier, alikuwa ni jirani wangu. Et comme c'était dans le quartier, vier kwa ni mkartier, d'autres femmes l'ont vu. Ils sont courus rapidement vers sa femme. Tu ne sais pas. Aujoué. Regarde, ton mari est là. Nous l'avons vu avec une autre femme. Elle a couru. Elle est arrivée là-bas. Elle est entrée. Il dit, je suis venu te prendre. Elle dit à sa rivale, je la prends pour que tu saches qu'il est mon mari. Allons. Son mari était en train de le suivre là avec beaucoup de politesse. Elle n'a pas fait de bruit. Elle a récupéré son mari. Elle n'a même pas chamaillé avec cette femme-là. Il dit, je le prends parce que, pour que tu saches qu'elle est mon mari de partout. Pauvre, allons. Twende. Il est passé là. Arienda. Est-ce que vous êtes là? Eti muku pale. Même si tu gagnes beaucoup, ata unapataka feza mingi. Ton petit commerce commence à aller de l'avant. Biashara yako inaenda kunenda kumbele sana. Et que le frère devient chômeur. Na bwana anakuya bila kazi. Femme. Oui, bibi. Obéissez à vos maris. Oh. Le frère t'a supporté depuis la jeunesse. Depuis toujours. Il te fait nourrir. Anakulisha, il t'habille. Il te fait soigner. Anakutunzisha. Mais si une année seulement, il n'a pas un travail. Kama tu commences à t'agiter. Unaanza kuwayawai. Dans cette maison ici. Mui nyumba. Si je ne travaille pas. Kama mishitumike. Dans cette maison ici. Kama mui nyumba. Si je ne sors pas. Kama mishitoke. Dans cette maison ici. Mui nyumba hii. Ma sœur. Dada yangu. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidi. Nous donne le Saint-Esprit. Atupatie Roho Mtakatifu. Ce n'est pas seulement des hommes qui ont de l'argent qui doit avoir la soumission à leur femme. Non, ce n'est pas ça. Même si tu as étudié plus que lui. Tu as un gros salaire plus que lui. Femme. Bibi. Soyez soumise à vos maris. Oui. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. N'ayez pas cette pari extérieure. N'ayez pas cette pari extérieure. Qui consiste dans les cheveux tressés. Les ornements d'or. Les habits qu'on rêvait. Mais la pari intérieure. La beauté intérieure. Qui est un grand prix devant Dieu. Oui. Dio. Écoutez. Mushiki. La purité incorruptible d'un esprit doux. Usafi ya shipo kukata milomo ya na ya pole. Paisible. Na ya salama. Qui est d'un grand prix devant Dieu. Ileko ya bei munene mbele ya Mungu. Ainsi séparé autrefois. Jove bako na jipamba zamani. De sainte femme. Mwanamke mtakatifu. qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes des filles. Imitez ces saintes femmes là. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Oui, ma sœur. C'est la vérité. Prenez-les comme votre modèle. C'est la vérité, bien-aimés frères et sœurs. N'imitez pas des vedettes. N'imitez pas des femmes mondaines. Imitez des saintes femmes de la Bible qui ont servi le Dieu que nous servons. Que Dieu soit loué à jamais. C'est la vérité, bien mes frères. Que Dieu nous aide à devenir cette parole que nous écoutons. Mettons-nous debout. Pour que je n'oublie pas. Écoutez. Mushiki. Nous allons dans Matthieu. Nous sommes toujours dans la préparation, mais j'entre déjà dans Matthieu chapitre 16, premier verset. J'entre déjà dans la prédication. Écoutez. Mushiki. Les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus et pour l'éprouver. Lui demandait de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit. Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est des rouges sombres. Écoutez l'enseignement du maître maintenant. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Vous savez discerner ça. Et vous ne pouvez discerner les signes de temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Quand nous regardons le ciel, aujourd'hui sera chaud. Aujourd'hui il y aura pluie. Aujourd'hui, il y a ceci. Nous savons discerner les signes du temps. Mais nous ne pouvons pas. Non, nous savons discerner les signes du ciel. Mais nous ne pouvons pas discerner les signes du temps. Ephésiens chapitre 5, 16e verset. Rachetez le temps quand les jours soient mauvais. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, Léo, nous vivons un mauvais jour. Les jours mauvais. C'est ce jour ici. Vous allez comprendre ça, frère. Que nous vivons les mauvais jours. Dont la Bible a prédit. Ces jours-ci s'accomplissent aujourd'hui. Oui, frère. Que Dieu nous. Les constats malheureux que nous pouvons faire aujourd'hui, frère. Ali amubaya tukuna ona leo, nduku. C'est que au lieu de se préparer. Pali pa kujitayarisha. Prendre la préparation au sérieux, les gens batu, se laissent séduire par des faux docteurs babongo, et des faux prophètes. Na manabi ya bongo. Au lieu de voir la lumière, wali pa kuona nuru, au lieu de suivre la lumière, wali pa kufuata nuru. C'est pas ce que les dénominations font. Les dénominations Et les gens Nabatu combat la lumière. Beko na kombanisha nuru. Les gens se laissent séduire. Batu beko na jachilia kutongozewa. Pas de faux prophètes. Pitia ba nabi babon. Je vais vous démontrer. Na mita mionesha quelques groupes de gens mankunji ya bantu qui sont dans l'impréparation. Bale beko mwali ashipo kujitayarisha. 1 Timothée. Timothée au 1. Alors dans 2 Timothée. Timothée au pili. Chapitre 4, 3 verset. Sura ya 4 mstari ya 3. 2 Timothée. Timothée au pili. Chapitre 4. Sura ya 4. 3 verset. Mstari ya 3. Écoutez. Mushiki. Écoutez ce que la Bible nous dit. Mushiki bili bili anasema. Car. Kwani. Il viendra un temps. Utakuya wakati moe. Quel il viendra un temps. Utakuya wakati moe. Quel temps. Wakati kani. C'est ce temps ici. Ni wakati tu kwamu. Ah, c'est vous êtes là. Et tu m'occupale. Quand Paul parlait dans le futur. Wakati Paul kwa nasema mashiku ya kumbele. Frère. Nduku. Il voyait ce temps ici. Alikuwa naona hii wakati ye. Que nous vivons toi et moi. Hii tukunaishi wewe na mimi. Car il viendra un temps. Kwani kutakuya wakati moe. Où les hommes les supporteront par la sainte doctrine. Ile wakati bantu watavubilia tena mafundisho tata. La sainte doctrine que nous croyons toi et moi. Mafundisho safisha tunaamini wewe na mimi. La Bible avait déjà prédit. Biblia ilikuwa ishakutangulia kusema. Que il viendra un temps. Kwamba kutakuwa ile wakati. Où les hommes les supporteront par la sainte doctrine. Ile bantu watavubilia tena mafundisho safi. Et il a demandé Jésus. Benye kuwa na hali. D'attendre des choses agréables. Ya kushikia bintu ya kubapendeza. Ils se donneront une foule des docteurs selon leur propre désir. Ils refusent de croire la vérité. Pour se consoler, ils se donnent des foules de docteurs selon leur propre désir. Aujourd'hui, je ne vais pas les consoler. Leo mishpende kwa fariji. On va les dénoncer. Leo tutabachunge. Oui, bien mes frères et sœurs. Leo wapendwa ndugu na dada. Le 4e verset. Mustara kaini. Détourneront l'oreille de la vérité. Bana tosha kushikia lishio yabo ku kweli. Et se tourneront vers les fables. Na watageukia marishi njoo. Frère. Ils sont beaucoup aujourd'hui. Même dans les soi-disant messages. Des gens qui sont dans l'enthousiasme. Des gens qui sont dans le mouvement. Dans de fausses doctrines. Oui, frère. Ils sont beaucoup. Même dans les messages. Il ne croit pas les messages. Aba mini ujumbe. C'est la vérité, bien, mes frères et sœurs. Ya kweli wapendwa ndugu na dada. Ils sont dans des sentiments. Beko tu mumania yabo. Non, nous sommes déjà levés. Oh, tu chakunyanguluyo. Est-ce que vous n'écoutez pas ça? Eti est-ce qu'il y a un fia qui est là? La seconde venue a déjà il y est. Kuja kwa pili kushakufanyika. Oh. La seconde venue a déjà il y est. Kuja kwa pili kushakufanyika. Pendant que nous sommes encore sur cette terre. Wakati sisi tungaliki pa hii dunia. Tu es sur cette terre. Uko pa hii dunia. Tu tombes malade. Uko nagonjwa. Tu travailles. Uko natumika. Des moustiques te piquent. Ba moustiki bana kupika pika. Et tu te consoles. Na unajifariji. Quel Jésus vous attendez? Asema Yesu kani uko nachunga. Avec orgueil, frère. Na kiburi yote nduku. Qu'ils disent ça? Beko nasema vile. C'est avec orgueil. Beko naisema na kiburi yote. Pour quel Jésus vous attendez? Yesu kani mwemu uko nachunga. La Bible a échoué. Fiaku sema se Biblia na shindwa. Je peux échouer. Eti Mungu anaweza kushindwa. Le message a échoué. Ujumbe na shindwa. Bien mes frères et sœurs. Mapendo ndugu na dada. Mais c'est terrible. Ni hatari. Non. Nous irons dans le ciel de Branham. Tutenda mumbingu ya Branham. Le frère Branham. Ndugu Branham. Regarde la richesse des frères. Oral Robel. Mangare utajiri ya nduku Oral Robel. Oral Robel, je crois qu'il avait même un petit porteur comme ça. Oral Robel kwa na ka avion ka gari ka ndeke ka mwa kaloko. Fait pas me regarder. Nduku Branham anangalia. Ah! Asema ah. Avec ce grand ministère que j'ai. Na hiyo duma munene niko nayo. je suis pauvre comme ça. Lakini kumaskini hivi. Mais les autres sont très bénis. Wale bengine beko benye kubarikiwa sana. Ils sont des millions et des millions. Beko na maelfu ya madola. Dieu, Mungu qui répond même au soupir inexprimable. Wale anashitia kata bitu bila uyasema. Dieu descend. Mungu anashuka. Pour venir consoler son serviteur. Ya kuya kufariji mtumishi wake. Il dit, anasema, Branham, pour toi, kwa kuwei, une portion du ciel kipande ya mbingu, te réservé kwenye kutayarishiwa. Pour toi, Branham, kwa kuwei, Branham, une portion du ciel kipande ya mbingu, te réservé kwenye kuchungiwa. Cette portion du ciel là, ile kipande ya mbingu ile, qui était réservé au frère Branham. Yeye kwenye kuchungiwa kwa nduku Branham. Frère, nduku, n'était même pas pour sa femme. Haikuwa tajua ya mke wake. N'était même pas pour ses enfants. Haikuwa tajua ya watoto wake. N'était même pas pour ses brebis. Haikuwa tajua ya bakondo wake. Car, wani, pour nous les nations, wetu shema mataifa, le sali, wokovu, est individuel. Ya kila mtu pale wake. La portion du ciel. Ile kipande ya mbingu. Que Branham a gagné. Il est Branham alors kupata. Cette même portion du ciel. Il est qui pende qui moi qui ambi. Toi aussi tu dois faire un effort. Wewe na unapasha kufanya nguvu. Pour la gagner. Je upate na kupata yako. Non si tu aimes Branham. Au kama unapenda Branham. Si tu aimes seulement Branham. Kama unampenda tu Branham. Tu seras au ciel de Branham. Utakwenda utenda mbinguni ya Branham. Déjà un raisonnement comme ça. Bantu wana ile mafikiri ya mule na mune. Que au ciel là. Ya kwamba kule kumbingu. Il y aura comme des quartiers. Utakuwa sama quartier. Non, ça c'est le quartier. Ici nous sommes dans quel quartier? Umuntu tukum quartier kani? Makomela. Makomela. Peut-être Makomela c'est pour Paul. Ça zingine Makomela itakuwa ni ya Paul. Et l'autre quartier là c'est pour Irénée. Na hii quartier itakuwa Irénée. Et l'autre quartier là c'est pour Martin. Na hii quartier itakuwa ya Martin. Et l'autre quartier là c'est pour Wesley. Na hii quartier itakuwa ya Wesley. Et l'autre quartier pour Branham. Na quartier itakuwa ya Branham. C'est ce que les tonneries se passent. Jo vile babu ba minguruma bana wasa. Ce sont des raisonnements. Ni mafikili. Ils croient à leur raisonnement. Ils se consolent. Branham n'a pas un ciel. Branham, anana mbingu. Où nous amener? Le ciel qu'il a gagné. Mbingu la ripa, toi tu dois la gagner. Wena unapasha kuipata. Moi aussi je dois le gagner. Na mimi napasha kuifaidi, kuipata. Car le salut chez nous c'est individuel. Juu, okovu, nya kila mtu palo wake. Il y a qu'une seule personne. Kuko tu mtu moja. Qui a le ciel. Ule kuna mbingu. Qui a le ciel. Ule kuna mbingu. Nous allons le lire. Tutaisoma nduku. Jean chapitre 14. Yohana sura ya 14. Écoutez celui qui a le ciel. Mushikie ule uko na mbingu. Premier verset. Écoutez ça comme il faut. Usara ya kwanza, mushikie banduku. Écoutez celui qui a le ciel. Mushikie ule uko na mbingu. Que votre cœur ne se trouble point. Mioyo yenu shifadhaiki. Croyez en Dieu. Amini ndani ya Mungu. Et croyez en moi. Na muamini ndani yangu. Il y a plus de demain. Uko makao ya mingi. Dans la maison de mon père. Munyumba ya baba yangu. Si cela ne l'était pas. Kama ikukuyemu. Je vous l'aurais dit. Nitaka kumiambia. Je m'en vais vous préparer une place. Ninaenda kumitayarishia fazi moja. Et lorsque je m'en serai allé. Na wakati mitaenda. Et que je vous aurai préparé une place. Mita mitayarishia ile fazi. Je reviendrai. Mitarudia. Et je vous prendrai. Na mita mibeba. Avec moi. Pamoja nami. Avec là où je suis. Kule mita kuwa, vous y soyez aussi. Na mpate kuya kule. Est-ce que vous êtes là? Eti muku pale. C'est la vérité, frère. Nibia kweri nduku. Le frère Branham. Na ndugu Branham. Comme tout homme. Samu ntote. Physiquement. Mumwili umu. Il est dans la tombe. Eko mukaburi. Mais comme tout chrétien. Sawa samu Christu wote. Il est dans le repos. Eko mumapumziko. Est-ce que vous êtes là? Eti muku pale. Il attend la récompense malipo de tous les chrétiens. Yabam Christu bote. Comme Paul. Sao Paulo. Comme Pierre. Sao Petro. Comme tous les prophètes. Sao Nabi bote. Comme tous les saints. Sao Batakatifu bote. Le frère Branham aussi. Ndugu Branham naye pia. Attend cette même récompense. Eko na chunga ile malipo moja moja. Que nous aussi nous attendons. Ile na shetu kuna chunga. C'est la vérité bien le faisait. Ya kweli banduku wapeni. Si Jésus a consolé son serviteur. Kama Yesu alifariji mtumishi wake. Il dit pour toi. Asema njoo yako wewe. Il n'a pas dit pour toi. Ashikusema njoo yako. Et ce qui croit après toi. Non. Wale watamini nyuma yako hapana. Pour toi. Asema njoo yako wewe. Une portion du ciel. Kipande kimoja cha mbingu. Ta été donné. Inakuchungiwa. Et qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils trompent les gens. Nabobe na sifundisha ni bena landa bantu. Ils trompent les gens que hein? Bena landa bantu asema. Si tu aimes Branham. Kama unampenda Branham. Il faut seulement aimer Branham. Umpende tu Branham. Ah! Ça c'est encore grave. Ile ni hatari tena kabisa. Vous allez comprendre ça. Mutaelewa ile mzuri. On ne doit pas aimer les morts. On n'aime pas un mort. On ne pourra pas aimer Paul. On ne pourra pas aimer Pierre. On ne pourra pas aimer Esaïe. Les morts, Bafou, on se souvient d'eux. Nous nous souvenons des frères Branham. Nous nous souvenons des frères Paul. Nous nous souvenons des frères Pierre. Nous nous souvenons d'eux. Mais nous allons les aimer comment? Avec quel amour? Avec quel amour? L'amour agapao. Il est trois sortes d'amour. Même si tu ne crois pas ce que j'ai dit, mais écoute d'abord. Il y a trois sortes d'amour. L'amour agapao, c'est l'amour que nous avons vers Dieu. L'amour que nous avons vers la parole de Dieu. C'est ça l'amour agapao. L'amour de Dieu. Est-ce que vous êtes là? L'amour filéo. Ma peine de filéo. Ça, c'est le frère Branham qui nous a enseigné ça. Il est l'indouk Branham de Fundishaï. L'amour filéo. Ma peine de filéo. C'est l'amour que tu as pour ta femme. Ni ma peine de le c'est l'amour que tu as pour ton fils. Ni ma peine de c'est l'amour que tu as pour tout ce qui est à toi. Ni ma peine de le connaître quoi. Bile biote bigubia. C'est un amour humain. Ni ma peine de abumuntu. C'est correct. Ni à sawa. Ce n'est pas mal que tu aimes ton enfant, que tu aimes ton mari, que tu aimes ton parent. Il a injuré mon père. Il a injuré mon père aujourd'hui, ils ont bagarré. C'est pas l'amour filéo. Est-ce que vous êtes là? Un chrétien ne se bagarre pas. Je ne t'ai pas dit de se bagarrer. Et le troisième type d'amour, c'est l'amour. Amour libre. Ni ma peine de yaourou. C'est que les païens font. Il est bapagaro manafanyak. De concubinage là. Il est abouabala. Ils appellent ça amour. Bana itaga ile sema mapendo. Ce n'est pas un amour. Il est na mapendo. C'est un péché. Ni zambi. Amour libre. Ma peine de yikwa yaourou. Est-ce que vous êtes là? Et timu kupali. Alors maintenant. Sasa pa sasa. Où est l'amour pour les morts? Ma peine de quoi pi abaf. On n'aime pas les morts. On se souvient des morts. Nous aimons le Seigneur Jésus. Parce qu'il est mort. Et il est ressuscité. Oui, frère. Et tous ces gens ici. Qui croient des choses comme ça. Ils sont enlevés. Frère, Nduku, ils sont dans l'impréparation. Ils sont séduits par de fausses doctrines. Ils croient des mensonges. Je n'ai pas vu cette brochure là. J'allais vous le lire. Le frère Branham disait ça. Le Dieu des stages mauvais. Paragraphe 37 comme ça. Oui, bien me faisait ça. Église de Dieu vivant. Est-ce que vous êtes là? Il n'y a pas longtemps. Nous écoutions, nous voyons dans les réseaux sociaux. Un chanteur qui est devenu pasteur par circonstance. Le popularisme, il est dans le popularisme. On ne sait pas quand est-ce que Dieu l'a appelé pour le ministère. Il dit, je vais scandaliser les gens. Je vais scandaliser les gens. J'aime Branham plus que Jésus. Est-ce que vous êtes là? Frère, ce frère-là, même ce chanson dans ma maison, ça n'entrera plus. Même ce qu'il a bien chanté là. Frère, comparer l'amour de Jésus avec son serviteur Branham. Branham dit, je suis sauvé par la grâce. Qui l'a sauvé? C'est le Seigneur Jésus. Ce que Jésus a fait pour nous, ça dépasse l'entendement humain. Ne le comparez pas à un homme. Ne le comparez pas à son serviteur. Oui, mes frères, ce sont des hommes séduits. Et ils séduisent les autres. Ils sont eux-mêmes séduits. Et ils séduisent les autres. Cela veut dire bien, frères et sœurs. Écoutez Paul, ce que Paul nous dit. Galates chapitre 1. Le verset 6e. Écoutez Paul. Mushikie Paulo. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des faux prophètes, des faux prédicateurs qui troublent les gens, qui enseignent des choses pernicieuses. Oui, bien, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Vous voulez enseigner Jésus, le Dieu de frère Branham. Bien, mes frères et sœurs. Il commence à enseigner aux gens Branham. Qu'est-ce que le frère Branham disait? Branham, il dit, je n'apporte pas Asima l'évangile aux gens pour me suivre. Moi, Branham. Est-ce que vous êtes là? Église de Dieu vivant. Corinthiens. Chapitre 4. Surakiaine. Écoutez Paul. Mushikie Paulo. Et Branham à son temps. Na Branham wakati yake. Il disait que j'ai prêché comme Paul. Alikuwa anasema mimi hubiri sasa Paulo. Aidez-moi à poster des versets pour aller rapidement. Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens. Munisaidie mpate kuonesha ma mistari kwa Korinto wa pili. Chapitre 4. Surakiaine. 5e verset, écoutez. Mustara kiatan. Pour les incrédules. Dieu a bakuto kwa mini. Vous m'embrouillez. Ça, c'est 4e verset. Hein? 4e. Ouais, tu m'embrouilles, frère. Le frère projetait 5e verset. Projetait 5e verset, frère. Ah, ok, c'est là. Nous ne nous pêchons pas nous-mêmes. A tout jubiri chez Benyewe. Banam disait. J'ai prêché comme Paul. Mirubirisa Paulo. Qu'est-ce que Paul a dit? Paulo alisema nini? Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ, ni Christu, le Seigneur, Wana, que nous prêchons. Ule tukuna ubiri. Nous nous disons vos serviteurs. Na tukuna sema à cause de Jésus Christ. Ni juya, kwa sababu ya Yesu Christ. Nous ne prêchons pas un homme. Atubiri muntu. Nous ne prêchons pas Paul. Atumubiri Paulo. Nous ne prêchons pas Isaïe. Atumubiri Isaya. Nous ne prêchons pas Pierre. Atubiri Petro. Nous ne prêchons pas frère Branham. Atubiri nduku Branham. Nous ne prêchons pas frère Frank. Atubiri nduku Frank. Nous ne prêchons pas Atubiri des hommes. Batu. C'est Jésus. Ni Yesu. Que nous prêchons. Ule tukuna ubiri. Frère, c'est le frère Branham, Branham qui est venu valoriser le nom de Jésus. Kuleta bei kunjina Yesu, qui est venu dire au monde entier kuambia kudunia yote mzima, que Jésus Yesu, c'est Dieu dans la chair. Ni Mungu mwili. Aujourd'hui dans notre temps. Leo mwili wakati yetu. Il était là alikuwa pale, dans l'église Baptiste, mukanisa ya Baptiste, et il avait un pasteur, docteur David, Davès. Narkona pasteur moi, docteur Davès. Dans l'église Baptiste. Mukanisa ya Baptiste. Il baptisait les gens. Narkona baptisa batu. Au nom du Père, Fils et du Saint Esprit. Mujina baba mwana na Roho Mtakatifu. Il devait maintenant baptiser les jeunes hommes Branham. Apasha sa kubatiza ule kijana Branham. Il amène dans les eaux de baptême. Aramuleta maji ya baptizo. Le frère Branham lui dit. Nandu Branham kamwambia. Tu ne me baptises pas. Ushini baptize. Au nom du Père, Fils et du Saint Esprit. Mujina baba mwana na Roho Mtakatifu. Mais tu me baptises. Lakini unibatize. Au nom de Jésus. Mujina Yesu. Un débat s'est créé. Na. Un débat. Ma bishano ranza. Avec son conducteur. Ma bishano ranza na ule mwongozi wake. Le docteur David lui dit. Ule docteur David akamwambia. Il dit Branham. C'est Branham. selon l'église kufatana na kanisa baptiste kanisa ya baptiste nous baptisons au nom du père fils et du saint esprit tunabatiza mjini ya baba mwana na roho mtakatifu Branham dit Branham akasema pour moi juu yangu mimi ce n'est pas selon l'église ana kufatana na kanisa mais selon la bible kufatana na biblia dans la bible la biblia les gens étaient baptisés au nom de Jésus bantu kuna baptiza mjini ya Yesu il dit bon Branham asema Branham si ce que tu dis là, je te baptise au nom de Jésus. David l'a prié. Il a baptisé d'alors. Sur base de ta confession, je te baptise d'alors au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes là? C'est Branham qui a valorisé le nom de Jésus. C'est Branham qui est venu dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que le Dieu que nous adorons, le Jéhovah de l'Ancien Testament, est Jésus dans le Nouveau Testament. Et ceux qui maintenant adorent, madame, ils sont dans la même boîte que les Kimbangis et les catholiques. C'est qui, frère? Ce sont les hymnes modernes. Hymnes enseignés de fausses doctrines depuis son temps. De Timothée chapitre 2. Écoutez l'évangile de l'hymnes, verset 16e. De Timothée. Timothée wapili, chapitre 2. Pili, verset 16e, vous allez descendre. Mutashuka. Ce sont des hymnes modernes. Ni ba hymnes ba Léo. Évite les discours vains et profanes. Epuka mahutuba ya bule na ya bujinga. Car ceux qui les détiennent avanceront toujours dans leur impiété. Bale beko naisema watendelea paka kosta kutawa utawa yabo. Et les paroles rongera comme la gangrenaire de ce nom gangrenaire. Na mans neno yabo tendelea na kuharibika sawa kidonda kia kuoza. De ce nombre sont imene et filet. Mwile nkunji yabo muku imene na filet. Qui se sont détournés de la vérité. Bale bari geokia baracha ukweli. Se sont détournés de la vérité. Baracha ukweli. Ils étaient aussi des prédicateurs. Balikuwa na boni baubiri. Qu'est-ce qu'il disait? Quel était l'enseignement d'imene? Balikuwa na sema nini mafundisho yabo. Disa ke. Bakusema sema. La résurrection. Ufufuko. Est déjà arrivée. Isha kufanyika. Et il renverse la foi de quelques-uns. Ils avaient aussi des preuves. Ils avaient aussi des preuves. Mais vous attendez la résurrection. La résurrection est déjà élue. Vous êtes dans les retards. Moi, il menait, j'étais là. Ils avaient des références. Mais c'était des fausses enseignements. Ils n'avaient pas compris les promesses de Dieu. Ni les écritures. Ils n'ont pas compris. Ni la révélation. Ils n'en avaient pas. C'est ce que sont tous ces frères-là. Ce sont les hymnes modernes. La seconde venait déjà élire. Quel Jésus vous attendait? Des paroles arrogantes. Orgueilleuses. Frères. Tous ces frères-là. Ils sont dans les préparations. Pas dans l'événement pour eux. C'est la vérité, bien aimé, frères et sœurs. Ils se consolent. Des hymnes modernes. Pas dans l'événement pour eux. Hymnes. Ils lisaient aux gens Matthieu 27, 51 à 53. Il s'appuyait sur cette écriture. La résurrection a déjà eu lieu. Quand Jésus était mort, et quand il était ressuscité là, mais les morts étaient ressuscités. Nous avons vu les saints, les saints qui étaient morts, le père Abraham. Baba Ibrahim, et tous ces saints-là, on les a vus en Jérusalem. Bon, vous maintenant, quelle résurrection vous attendez? Est-ce que vous êtes là? Et si une personne n'est pas assidue, il les écoute. Atabashiki. Il ne connaissait pas les Écritures. Il n'avait pas aussi la révélation. Pourquoi Dieu nous a envoyé ce message? Frère, la fin de ce message, que Dieu nous a envoyé par le frère Branham, c'est l'enlèvement. C'est la seconde venue. Si la seconde venue a eu lieu, l'épouse est partie. La seconde venue, c'est l'enlèvement. L'épouse est partie. La grâce est partie. Plus de, le salut est parti. Le Saint-Esprit est parti. Quand nous allons monter, le salut prendra fin. Pour les nations. Le Saint-Esprit, ça ira avec nous. À la seconde venue. Plus de salut. Après l'enlèvement. Chez les nations, chez nous les nations. Plus de sauver. Mais si la seconde venue a déjà eu lieu. Pourquoi pêchons-nous l'évangile? Pourquoi les gens croient encore? La seconde venue n'a pas encore eu lieu. Le retour du Seigneur n'a pas encore eu lieu. Ils sont dans l'erreur. Et pas dans l'enlèvement pour mes frères. Est-ce que vous êtes là? Ils sont dans l'impréparation. Ils sont dans l'impréparation. Oui, l'église de Dieu vivant. C'est la vérité. Les hymnes modernes. Induits par l'erreur. Oh, église de Dieu vivant. C'est terrible. Pas d'enlèvement pour eux. Attendez. C'est décembre. Décembre 2020. Page 16. Avant tout, nous lisons 1 Timothée, avant que nous venions ici. Donc, nous sommes déjà dans décembre 2020. Nous lisons ça. Page 16, écoutez ça comme il faut. Écoutez ça comme il faut, Église. Ça, c'est ce que l'Esprit dit à l'Église. Je voudrais souligner encore une fois qu'aucune personne induit en erreur par de faux enseignements n'entrera au ciel. C'est dire, mais c'est la vérité. Tous ces frères ici que toi tu appelles frères qui sont dans des fausses doctrines, ils sont pas des frères, ils sont séduits, ils sont induits en erreur. Pas d'enlèvement pour les frères. Ils ne seront jamais baptisés du Saint-Esprit. Je vais vous lire même à la fin. C'est dire, mais la vérité, on doit le dire. Les élus diront amen à cela. Les incrédules peuvent se fâcher. Mais les élus diront amen à cela. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Le Seigneur a fait grâce en nous ramenant à Dieu par le message. Le message ici que Dieu nous a envoyé par le prophète. Frère, c'est Dieu qui nous a ramenés à lui. Le Seigneur nous a fait grâce en nous ramenant à lui. Oui, bien, mes frères et sœurs. À nous ramener à Dieu, à sa parole, à son enseignement, à l'enseignement des apôtres, par le dernier message, par notre message. C'est Dieu qui nous a ramenés. Dieu a ramené l'enseignement des apôtres. Dieu a ramené la foi des apôtres. Dieu a ramené les expériences des apôtres. Dieu nous a ramenés à lui. Dieu a tout restauré. Oui, l'église de Dieu vivant. Dieu a tout restauré. C'est la vérité, bien de faire ça. Il n'y a qu'une seule chose kitu kimoe. Qui n'est pas encore retourné à Dieu maintenant. Qui a rudishwa kwa Mungu hapo sasa. Quand Dieu nous a ramené à lui. Wakati Mungu aturudisha kwa yeye. Par les messages que nous croyons. Kupitia ujumbe tunaamini. C'est Dieu qui nous a ramené à lui. Ni Mungu aturudisha kwa yeye. Qu'est-ce qui reste maintenant mes frères? Nini nabakia sasa banduku yangu? Que ton cœur. Sasa moyo wako. Soit aussi ramené à Dieu. Na wewe upate kurudishwa kwa Mungu. Que mon cœur. Roho yangu. Soit aussi ramené à Dieu. Moyo wangu na urudishwe kwa Mungu. Que Dieu tout ramené. Il a ramené les vrais dieux. Il a ramené les vrais baptêmes. Il a ramené la vraie foi. Il a ramené de vraies expériences. La vraie nouvelle naissance. Le vrai baptême du Saint-Esprit. Dieu a tout ramené. Chacun de nous maintenant la foi. Doit dire à Dieu. Doit réfléchir son cœur. Si son cœur, si ton cœur, si mon cœur est aussi ramené à Dieu, quand la promesse était, il ramènera le cœur des pères aux enfants pour l'Ancien Testament. Le cœur des enfants au père. Nos cœurs doivent être ramenés. Dieu a tout ramené, frère. Ne mourrez pas dans le péché. Dis à Dieu, Seigneur, ramène mon cœur à l'obéissance de ta parole. C'est ce que nous avons maintenant, frère. Oui, église de Dieu vivant. C'est la vérité. Écoutez. Oh, bien aimé, frères et sœurs. Dans ce dernier message, oui, ujumbe, mwisho, qui est absolument identique au premier. Celui qui ne respecte pas cela n'a pas reconnu le jour de la visitation de Dieu. Si je vais frapper fort, celui qui ne reconnaît pas que Dieu nous envoie un message pour nous ramener à lui. Frère, si tu ne reconnais pas ça, si tu méprises le message, frère, écoute, shikia, tu n'as pas reconnu le jour shiku, où Dieu a visité son peuple. Tu n'as pas reconnu la visitation. Comme Sarah, elle n'avait pas reconnu la visitation. Quand elle était visitée par Dieu, Dieu est venu donner à Abraham la promesse. Mais Sarah n'a pas reconnu l'état où elle a été visitée. C'est la vérité, bien aimé, frères et sœurs. C'est comme ça que Jésus a pleuré sur Jérusalem. Je suis dans Luc, je crois. Luc chapitre 19. Nico Moulouka, sura 19. Verset 34e jusqu'au 34e ou 36e jusqu'au 44e. Moussara Makumi Tatu. Je ne lis pas parce que je n'ai plus le temps. Je dois conclure. Jésus a pleuré. Envoyé à Jérusalem. Jérusalem. Jérusalem. Jérusalem. Jérusalem. Si tu connaissais dans le verset là que je vous ai donné, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées devant toi. Elles sont cachées devant toi. C'est pour cela que tes ennemis t'environneront de partout et te trancheront. Est-ce que vous êtes là? Jérusalem a été détruit par le général Titus. Pourquoi? Parce que Jérusalem n'a pas reconnu l'état où elle a été visitée. Un grand prophète à Paris, c'est un verset seulement. Luc chapitre 1, 68. Un prophète à Paris. Dieu a visité son peuple. Comme c'est un verset posté, ça je vais lire. Qu'un prophète apparaît. Qu'un prophète apparaît. C'est Dieu qui visite son peuple. En Israël, quand il voyait un prophète, il courait vers lui. Il savait que c'était la visitation. Est-ce que vous êtes là? Dieu visitait Israël quand il les envoyait un prophète. Écoutez. Mushiki. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Abarikiwe mbwana Mungu wa Israeli. De ce qu'il a visité. Ya vile alitembelea. Et racheté son peuple. Na kununua watu wake. Est-ce que vous êtes là? Eti mko pale. Il a racheté, visité et racheté son peuple. Alitembelea na kununua watu taifa yake. Va maintenant dans Genèse. Wende sasa mu kitabu ya Mwanzo. Chapitre 50. Surake makumi tano. Écoutez ça comme il faut. Le verset 24e. Na mustarake makumi tano. Un seul verset nous lisons. Mustari tumwa tunasoma. Nous lisons cela. Tukona isoma. J'aimerais que l'église comprenne ça. Mina penda kanisa elewe ile mzuri. Écoutez Joseph. Mushike Yosef. Joseph dit à ses frères. Yosef akambia banduku yake. Je vous pose maintenant la question. Mina miuliza sasa. Joseph dit à ses frères. Yosef akamwambia banduku yake. Je vais mourir. Mina nataka kufa. Mais lakini, Dieu vous visitera. Mungu atemitembele. Il vous fera remonter atamitosha de ce pays ici. Oui, inchi. Dans le pays qu'il a géré. Oui, inchi, arilakpa, de le donner à Abraham. À Isaac. Wa Isaka, à Jacob. À Yakobo. Frère. Duku, je vous pose la question. Mine miulize. Est-ce que Eti. Dieu avait visité Israël en Égypte? Eti Mungu alimtembelea Israël mu Misri. Amen. Amen. Est-ce que c'est pas moi qui dis amen? Moi je vous pose la question. En Égypte, Dieu a visité Israël. Amen. Amen. Quand Dieu envoie un prophète, c'est Dieu qui visite son père. Est-ce que Moïse était Dieu? Moïse était devenu Dieu. On a adoré Moïse. Frère, dans le dernier message, Dieu nous a visités par sa parole. Mais ce n'est pas que Branham devient Dieu. Ce n'est pas que nous devons l'adorer. Non. Apana. Nous prions. Le Dieu que nous prions. Les lois. Ma chérie, les promesses, mamalako, les cultes, ma ibada, l'adoration, wabudu, était donnée aux enfants d'Israël. Maripatiaka ni batoto Israël. Nous prions le Dieu d'Israël. Tukunaomba Mungu wa Israël. Dieu visitait Israël. Mungu alikuwa anatembelea Israël par l'intermédiaire des prophètes. Kupitia banabi. Quand Moïse était là, wakati Musa alikuwa pale, il était. Alikuya. La visitation, c'était la visitation de Dieu. Ilikuwa ni kutembelewa kwa Mungu. C'est comme ça que Dieu a dit, je suis descendu. Dieu vile Mungu asemaka mimi nashuka. Moïse n'est pas Dieu. Musa shikwe Mungu. Moïse était un prophète. Musa alikuwa ni nabii. C'est comme ça que Branham restera prophète. Dieu vile paka Branham atabakia paka nabii kufika na kumwisho. Mais quand une personne ne reconnaît pas ça. Sasa kama mtu ashitambue ile. Que Dieu parle le dernier message. Wa kupitia ujumbe ya mwisho. Nous a visité. Mungu alitutembelea. Fais si tu méprises le message. Kama unabeula ujumbe. Tu n'as pas reconnu. Au kutambue. Le temps où Dieu a visité son peuple. Wakati ile Mungu alitembelea taifa yake. Je reprends ce que l'ancien dit. Mina rudire le mzee alisema. Il y a déjà des fausses doctrines qui disent que le frère Frank. Bah, ma, le frère Frank contredit le frère Branham. Asema ndugu Frank na mpinganisha ndugu Branham. Quelle confusion. Mvuruko kani. Mais Branham n'est jamais venu prêcher, nous prêcher la parole ici. Branham a yakuya kutubiri neno hapa. C'est Frank qui nous a dit. Ni Frank njware yakuna tuambi. Que Dieu a envoyé un prophète en Amérique. Sema Mungu alituma nabii mule. Que Dieu nous a envoyé un message. Mungu alituma ujumbe. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. À travers le frère Branham. Bitia ndugu Branham. Nous avons reçu un message. Tulipokea ujumbe moya. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Le Dieu